Chapitre 18e, ceux qui guettent leur proie. Mais pendant qu'ici, on vivait en somme dans le bonheur, dans l'ombre, ailleurs, s'amassait contre Geneviève, contre son grand-père, un terrible orage, se préparait un coup de tonnerre épouvantable. Vautré sur l'un des talus qui avoisine la porte dauphine, se tenait un gros homme à mine patibulaire, fumant sa pipe. Côté de lui, une énorme femme était assise. Peu après, le père Gervais passa. Le gros homme et l'énorme femme se mirent à marcher derrière lui, à quelques mètres, le suivant à distance prudente, mais sans le perdre de vue. « Il n'y a pas à douter, » fit le gros individu. « Zélie, regarde bien, c'est notre homme. »« C'est notre homme, oui, de bouche en cœur, n'y est pas en douter, c'est bien lui. » C'était Zélie et l'illustre Perpignan, dit bouche en cœur, qui faisaient leur réapparition. Ils avaient fini par trouver un engagement quelconque dans une baraque installée à la fête de Neuilly. Le hasard les avait mis en présence du père Gervais, allant en course, un jour qu'ils allaient fainéanter au bois. Tous deux alors eurent l'idée de la vengeance. « Oh, une vengeance terrible » « Qu'est-ce qu'il a pu faire de chiffon ? » se demandait-il. « Qu'est-ce qu'il en a fait ?» Ils conçurent alors le plan d'aller chez le père Gervais. « Faudrait qu'il nous rende les comptes, » déclara l'illustre Perpignan. « Quand nous saurons où il demeure, » fit la belle bourbonnaise, « nous saurons déjà presque à moitié de ce qui nous intéresse. » En tout cas, dès maintenant, le bonhomme ne peut nous échapper. Le banquiste et la belle bourbonnaise se postèrent donc à quelque distance du père Gervais, évitant d'être aperçus par lui, ce qui eut tout compromis. Ils le virent à la tombée de la nuit, comme tous les soirs, son travail fini, aller s'asseoir sur un banc près de la rue de Rivoli, et allumer sa pipe en attendant Geneviève, qui ne tarda pas à le rejoindre. Derrière le père Gervais et Geneviève, qui étaient à son lieu de se douter qu'ils étaient suivis ainsi par ces deux malandrins, ils quittèrent les Tuileries et s'engagèrent sur la place de la Concorde. Au moment où ils allaient traverser l'avenue des Champs-Élysées, déboucha une superbe auto dans laquelle se trouvait un homme élégamment vêtu qui fumait, soucieux, préoccupé, un cigare. L'auto, en tournant, obligea l'illustre Perpignan et la belle Bourbonnaise à se réfugier sur le trottoir pour n'être pas écrasés. Bouche-en-cœur allait crier après le chauffeur qui voulait écrabouiller le pauvre monde quand sa voix, tout à coup, s'arrêta dans sa gorge. Il venait de recevoir un coup formidable en pleine poitrine. Oh, un coup moral, un coup de surprise, d'étonnement, de stupéfaction. Quand il put reprendre respiration, il dit à la belle bourbonnaise « Clouteau, hein ?» fit Zélie en tressaillant aussi. « Tu dis ?»« Clouteau, dans cette auto. » Et vivement il ajouta « Attends-moi ici, bouge pas. Je vais pister le compère. Ah, Clouteau, on a donc tous les bonheurs aujourd'hui. Mais, chiffon, demain, on les retrouvera. » Il quitta la belle bourbonnaise et se mit à courir derrière l'auto de Clouteau. La voiture, qui, à cause de l'encombrement, n'allait pas très vite, s'engagea dans la rue Saint-Honoré et s'arrêta enfin devant une maison de la rue Royale. Bouche-en-cœur avait pu la suivre. Il arriva à temps pour voir son ancien compagnon sauter de voiture et s'engager dans la maison. « Ce doit être là qu'il perche, » se dit-il, « faut se renseigner. » Quelques instants après, il pouvait se documenter à son aise auprès du chauffeur qui le prenait pour quelques valets ou garçons de garage en quête de place. Il apprenait que le comte de Saint-Rion revenait de voyage et pensait séjourner quelque temps à Paris. Bouche-en-cœur rayonnait. Il campa son haut de forme encore plus sur l'oreille, ajusta son monocle étoilé pour mieux regarder l'avenir doré. Le banquiste, donc, vint plusieurs fois pour tâcher de voir son ancien complice. Mais le comte n'était pas facilement abordable. Il semblait presque impossible, non pas de pénétrer jusqu'à lui, mais seulement d'arriver à lui parler. Bouche-en-cœur ne se faisait aucune illusion. Force était donc d'employer la ruse, de surprendre Clouteau de telle façon qu'il ne put échapper. Mais pour cela, comme un chasseur à l'affût, il fallait patienter. Bouche-en-cœur patienta donc, se disant, chaque fois qu'il ne réussissait pas à réaliser ses projets, « C'est bon. Clouteau, mon ami, tu paieras plus cher. » Avec cette patience, que donne seulement la nécessité et la perspective d'un gain magnifique, l'illustre Perpignan se mit à l'affût, pour ainsi dire, et guetta le comte. Un soir, vers l'heure du dîner, à peu près au moment où Bouche-en-cœur quittait, avec une déception de plus, son poste d'espionnage, le comte de Saint-Rion sortit de chez lui à pied cette fois, se rendant probablement à son cercle tout proche. « Ça y est, » dit le banquiste à son épouse, « en route. Nous le tenons. » Clouteau descendait le faubourg Saint-Honoré, sans hâte, marchant d'un pas tranquille, quoique l'air préoccupé, et la tête penchée sous le poids de ses pensées, sans doute peu folâtres. Depuis quelques jours en effet, Clouteau était pris de nouvelles inquiétudes au sujet de cette affaire qu'il menait d'ailleurs de front avec plusieurs autres. En effet, le comte de Saint-Rion était en même temps, ou à peu de choses près, également le comte de la Guérinière et le marquis Isigo Martolo. Or, si le terrible Paulin Broquet ne donnait pas encore la chasse au comte de Saint-Rion, il poursuivait ardemment le comte de la Guérinière et le marquis Isigo Martolo, qui n'était en réalité que Zigomar. Zigomar pensait que l'affaire de l'héritage de Madeleine se trouvant en dehors des recherches de Paulin Broquet, il la réussirait. Et voici que les complications commençaient sérieusement. Les journaux avaient annoncé le retour du commandant Jacques Dalmay. Zigomar se disait que certainement la guerre, qui n'avait jamais cessé de régner entre Jacques Dalmay et lui, allait de nouveau entrer dans une période d'activité. Il avait pu, certes, une première fois, écarter habilement le péril. Aujourd'hui, les conditions étaient bien différentes. Il sentait que les mêmes atouts ne peuvent servir toujours. Madeleine pouvait avoir renoncé à l'espoir de retrouver sa fille et en fin de compte se décider à ne pas se confiner dans le deuil, à goûter un peu de bonheur et se résoudre à devenir la femme du commandant. Madeleine et Jacques Dalmay devaient faire abandon des millions laissés par la marraine. D'autant plus que l'époque de la majorité de Paulette approchait. À cette date, si on n'avait pas produit l'enfant par devant le notaire, ces millions iraient à l'assistance publique, à diverses bonnes œuvres, selon les clauses du testament de l'excellente Madame Berton. Zigomar commençait à sentir le terrain vaciller sous ses pieds. Il ne jouissait plus que de son reste, et ce n'était pas grand-chose, d'où son anxiété. L'illustre Perpignan atteint donc le pas, puis ayant dépassé Clouteau, il fit volte-face et revint dans sa direction. À deux pas de lui, il tira son chapeau. Il salua Clouteau d'un geste large, comme la tradition veut qu'on salue un grand seigneur, dans les pièces à costume sur la scène des théâtres forains. « Bonjour, monsieur le comte, » dit-il avec emphase. Clouteau jeta un regard indifférent sur cet homme. Le prenant sans doute pour un mendiant, il mit la main au gousset de son gilet pour en tirer deux sous. Mais l'illustre Perpignan prévint le geste. « Gardez, monsieur le comte, gardez. Vous faites erreur, je ne demande pas l'aumône. »« Alors, que désirez-vous ? » fit sèchement le comte. « Vous serrez la main. » Zigomar se redressa surpris et regarda l'homme avec hauteur. « Perpignan ! » s'écria-t-il enfin. « Bouche en cœur !» De nouveau, l'illustre Perpignan salua en souriant. Il tenait son homme à présent. Il se sentait absolument maître de la situation. Il comptait bien en profiter. Comme le comte de Saint-Rion, très ennuyé, regardait de tous côtés, si personne de sa connaissance ne l'apercevait en pareille compagnie, cherchait un moyen de s'éloigner, l'illustre Perpignan lui dit en souriant « Non, inutile de chercher à t'éclipser, je te tiens. » Zigomar dut donc accepter la situation, mais il pensa que, comme toujours, il aurait promptement fait de se débarrasser de l'importun. « Tu me cherchais ? Pourquoi donc ? Pour avoir ma part du gâteau. Quel gâteau ? Ma part de la galette du comte de Saint-Rion. « Je ne sais pas ce que tu veux dire. Ne perdons pas de temps à parlementer, arrangeons cette affaire. Il n'y a pas d'affaire. Pardon, il y en a deux. Il y a celle du calvaire du bois de Fontenay, il y a celle de la tilleuse, ça fait deux. Je ne comprends pas. Inutile de rejamber, tu sais bien que je n'ai qu'à parler et que le comte de Saint-Rion sera défunt une fois de plus, en ta personne. » Puis se rapprochant de Clouteau, il ajouta « Demain, vers 10 heures, chez toi, sans faute. Peut-être seras-tu enchanté de m'avoir rencontré, car je pourrais te donner des renseignements sur quelqu'un qui t'intéresse au plus haut point. Sur qui ? Sur ta fille, ma fille. » « Oui, Paulette. » Le comte sursauta. « Paulette ? » fit-il vivement, prenant bouche en cœur par le bras. « Tu sais où est Paulette ? » ?»« Oui. » « En effet, la belle bourbonnaise l'a sauvée, c'est juste. Où est Paulette ? » ?»« Demain. À demain, les affaires sérieuses. Au revoir, monsieur le comte. » Pourquoi ne pas me dire ça tout de suite ? Non, non, les affaires de ce genre, de cette importance, ne se traitent pas comme ça sur un trottoir, dans la rue. Il leur faut, comme on dit, le silence du cabinet. À demain. Cependant, voyons, Perpignan, mon vieux bouche en cœur. Pas ce soir, impossible, 1000 regrets. Mais avant de se retirer, il dit : À propos, donne-moi donc un petit bleu. Tu dois bien avoir un billet qui ne fait rien dans ta poche. Zigomar tire un billet de 100 francs et le tendit au banquiste qui l'empocha et se confondit en salutations de grand genre. Par prudence, pour ne pas être vu plus longtemps en compagnie de cet homme qui faisait se retourner tous les passants, le comte de Sérillon laissa partir l'illustre Perpignan. « Demain, pensa-t-il, je le repincerai et je me débarrasserai définitivement de lui. » Perpignan, de son côté, en allant rejoindre sa fidèle Zélie, se disait « Demain, nous négocierons définitivement. » Zygomar, bien que très contrarié d'avoir rencontré son ancien complice, compromettant et avide, se disait que peut-être c'était la chance qui revenait pour lui. « S'il a Paulette, s'il sait où elle est, je lui achèterai le secret. Quitte à le rouler une fois de plus, je produirai Paulette. Je forcerai Madeleine à devenir ma femme, et j'aurai tout au moins la gestion des biens de ma fille. Puis après, bonsoir à jamais, l'illustre Bouchancœur. » Il commença à reprendre espoir. « Allons, allons, je crois qu'au fond, c'est une bonne affaire pour moi. »